ce jingle, il donne envie. Mais bonjour tellement. À tous, bienvenue sur Antenne Dimanche. En ce dimanche 11 janvier 2026, 14h30 pile, à une minute de retard près comme toujours. Et aujourd'hui, malheureusement pour moi, je suis entouré de pratiquement toute l'équipe. Tristesse, tristesse, tristesse. Ah, il y a des jours... Ah ouais, t'as été puni toi déjà en début 2026 comme ça. Je sais mais pas qu'as-tu que... donc fait ah, des bêtises. Pour mériter ça je... Bah alors Jeff, t'allumes plus ton micro. Voilà. je disais, c'est bête qu'on n'a pas le temps, sinon on aurait compati pour toi. Oui, ouais, c'est dommage. Hein. Ouais. T'as pas un mouchoir ? Puis on n'a pas le cœur. Bon, il y a mieux à faire. On n'a pas le cœur non plus. Non. J'ai pas de cœur, moi. Si j'en avais un, ça se saurait. Allez, on va faire un effort, on va compatir. Allez, salauds, les salauds. Allez, je suis accompagné en premier lieu de Vinvin, qui est bonjour tout le monde. Au standard. Oui, c'est moi qui tiens la baraque au standard. Voilà. Avec les petites bafouilles. Avec les petites bafouilles. On a également Jeff qui est aujourd'hui le producteur de cette émission, l'animateur en chef principal de La Mort qui tue. Oula, oulol. Tout ça dans la même ça personne. Ça doit faire mal. Ouais, là, ça doit faire mal. Oui. Puis là, avec toutes les émissions où j'étais absent, bah, là, c'est Jean-François, le retour. Ouais. Ouais, rattrape-toi un petit peu. Ah ouais, bah là. On va pas dire que tu nous as manqué parce que bon. Non, parce que ça va pas croire que je sois apprécié. Tu vas pas bien le prendre. Non. Manquerait plus que je sois apprécié. Bah oui. Alors. Ça bouleverserait tout. Oui, si j'ai pas l'habitude. T'as pas l'habitude. Et puis vous avez entendu aussi la pipelette à ma gauche, toujours présente. C'est moi, bonjour tout le monde. Bonjour Alex. Voilà, elle est présente, de toute façon vous le savez quand elle est là ou pas. Ça résonne fort. Je vois qu'ils sont d'accord avec moi. Non. Mais on l'adore notre Alex. C'est pas grave, moi je suis là, je résiste, je fais comme si je m'entendais rien. C'est comme la chanson. Son côté France Gall, ça. Ouais, son côté France Gall, ouais. Mais oui, on a plaisir quand même à l'avoir. Heureusement qu'elle est aussi avec nous pour nous énerver. Bien. Oui, c'est la petite touche féminine, on voilà. Appelle ça comme ça. Voilà. Mais on parle d'énervement. Hein. Voilà, absolument. C'est l'adverbe qui correspond. Bien. C'est un pléonasme, c'est ça que tu allais dire. Oui, et on ne sait pas c'est où le nasme. Ouais. Elle en prend pour son grade aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, non, mais en général, ça ne prend pas deux minutes. Hein, deux minutes d'antenne et paf, c'est déjà pour moi. Ah, là, hein. y a un... ah mais j'ai l'impression d'exister à vos côtés. Hein. Ah oui, oui. Et l'autre qui se marre là-bas derrière. Lui, il dit rien, mais il en pense pas moins. Excusez-moi. Oh, je suis très concentré. Je dis pourquoi je parlerai, les deux le font pour moi. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, après, ça va être pour moi. Ouais, c'est le duo de snipers. De toute façon, nous serons tous virés à la fin de cette émission. Non, c'est mardi. Ah non, mais non, je vis t'as tous pas les le jours. Droit. Non, je vis tous les jours. Oh non, mais si tu mets des décrets que je suis pas au courant, vas-y, pas bien avant. Nul n'est censé ignorer la loi de Loïc. J'ai jamais dit qu'on était en démocratie ici. Allez Jeff, bon, je te laisse présenter l'émission. Oui, aujourd'hui donc une émission très très très spéciale puisque tout le thème de l'émission ne sera que sur le Canada, l'Acadie. Voilà, nous allons écouter des grands noms que tout le monde connaît, mais aussi beaucoup de découvertes et des petites pépites. Oh, j'ai hâte. Peux te faire confiance. Tu nous as prévu des petites musiques à jeun ? Oui. Ouh, c'est beau ça. Et il connaît. Hein. Merde. Ah ben, j'ai l'habitude avec lui, non. Bon, j'ai pas ramené le jambalaya, mais... Oh, dommage, mais non. Ah, moi, je sais le faire, le jambalaya. Lequel? Parce qu'il y a plusieurs versions. En fait, il y a autant de jambalaya qu'il y a de chili con carne ou de couscous. C'est vrai. Hein? Mais bon, moi, j'ai une recette, je m'y tiens, et il n'y a jamais eu de plainte. L'alligator? Ah bah non, j'ai pas d'alligator. Ah, bah, voilà. Jambalaya. Mon fournisseur, il n'y a pas de petit alligator en barquette. D'accord. Ah, Loïc. Tiens, à propos une jambalaya, une jambalaya. Voilà, c'est... T'as une question au propos d'alligator. Quelle est la différence entre un alligator et un crocodile? Ah oui. Il y en a un qui a la tête la plus fine, je crois. Non, c'est carrément la même chose. Allez, hop, ouais, merci. Ah, ouais, là aussi, je la connaissais mais nous, en plus. On était sur un peu comme tu vois, le perfusion. Tombé dans le panneau. Avec des vraies questions qui amènent des vraies réponses. Mais je peux faire le perfusion. Ouais, voilà, donc non, mais moi, j'étais pas branché. Alors, j'ai gardé le jingle habituel quand vous faites une connerie. Ça peut revenir aïe, que possible. Ça démarre mal. Nous nous excusons de cette interruption de qualité de l'émission. Les gens, ils ont envie d'entendre de la musique. Oui, mais on y est. Tu te souviens au temps de l'ORTF, le petit train? Oui. On va mettre ça. C'était le train du rébus. Oui. Mesdames et messieurs, c'est pas possible, ils parlent plus que moi. Il s'est passé un truc. C'est pas faux, là, pour une fois. Elle a raison. On est obligé. En même temps, vous êtes trois. Ah, on est obligé, parce que dès qu'elle prend la parole, on ne peut plus l'avoir, nous. Donc, on en profite. À trois, on fait ta voix habituelle. Il faut être à trois, quand même. À trois, là, je suis cuite. Ouais. Là. Allez. La roi de l'homme. Allez, chacun, vous rentrez dans votre chambre. On part en musique. Alors, avant tout, Vava, tu nous expliques. Ah, ben oui, www.antenne87.fr. Non, pas tout de suite. Ah, d'accord. Okay. L'onglet participer, vous déroulez, vous voyez un petit mot qui est marqué dédicace. Et là, après, c'est tout blanc, vous laissez une bafouille. Voilà. Une petite bafouille. Une petite bafouille. Ouais, il connaît. Ah, on commence à avoir l'accent. Bon, là, c'est pas l'accent acadien. On va peut-être la voir à la fin de l'émission. Tu l'as, toi, Jeff ? Non, puis je suis pas sûr qu'ils apprécient vraiment qu'on essaye d'avoir l'accent canadien. Parce je sais que beaucoup de Canadiens n'apprécient pas. Oui, ils aiment pas quand. Ça se comprend, même ceux des autres pays. Personne n'aime être singé. Mais on peut essayer de prendre l'accent un peu par... Ouais, je vais dire ça, c'est de la machine à coudre. Oui, c'est vrai qu'ils ont un accent qui est chantant, ils seraient capables de réciter un dictionnaire ou l'annuaire téléphonique, on aurait toujours autant de plaisir à les écouter, oui. Tellement que l'accent, il est beau. C'est vrai. Il est compliqué à... reproduire. Et on va en profiter, puisqu'on parle du Canada, bah, pour faire un petit coucou à Gina Skinner. Ah oui, bien sûr. Qui nous écoute à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, c'est vrai. Et puis à son frère, puisque grâce à elle, son frère nous écoute aussi au Canada. Voilà. Terre-Neuve, hein, il me semble, oui. Etc. Ouais, c'est ça. Allez, tout de suite, on repart en musique avec Boule Noire. Aimes-tu la vie comme moi? Et on aura ensuite une magnifique chanteuse, Carole Laure, Danse avant de tomber. J'adore, la première sera en 76 et la deuxième 89. On ne l'entend plus beaucoup, la pauvre. Mais... De quoi? Est-ce que tu parlais en tant que moi? Oui, je sais. C'est ma touche. Hein. C'est parce que je n'entends pas les autres, en fait. Comme d'hab. Non, je disais que j'aime beaucoup Carole Laure, qu'on ne l'entend plus. Non. Malheureusement, parce que. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être elle a pris un peu de l'âge. Non, c'est... Mais elle a fait de très très jolies choses. Et elle avait toujours cette merveilleuse initiative de faire ses chansons à la fois en français et en anglais. Elle avait souvent deux versions. Mais ce n'est pas que Carole Laure, c'est toute la playlist d'aujourd'hui, on ne les entend plus. Ah ouais. Que ça soit Carole Laure, que ça soit Boule Noire, à part de temps en temps où on entend Aimer d'amour. D'ailleurs, celle qu'on a prévue aujourd'hui, c'est une autre chanson que très peu connaissent. Mais les trois quarts de la playlist, on ne les entend plus du tout. Oui, c'est vrai, quand tu regardes Marjo, Luc de la Rochelière, Plume la Traverse, Raymond Lévesque, René Natalissima, René Claude, c'est vrai que tu ne les entends plus. Non. Nulle part. Bah, Robert Charlebois. Oh non, même Charlebois, on n'entend plus. Non. Mais il y a quand même un renouveau de la chanson canadienne. Oui, il y a quand même canadienne. Des grands noms. Dans la playlist, il y a Claude Dubois. Claude Dubois, c'est le blues du businessman de Starmania. On ne l'entend plus. Ben, tout simplement parce qu'il a peut-être pris beaucoup d'âge. Et alors, ça change rien à la qualité de la chanson. Ça change rien. Alors, comment tu expliques ça, toi, Jeff ? Parce que on est dans une société de consommation, donc on passe très vite aux nouveautés. Croyez le psychanalyse entre les deux. On va partir dans les grands sujets de société. Non, mais le problème, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que. Heureusement, il y a Céline. Ah ben non, même Céline, on l'entend plus, zut. Ouais, mais Céline, c'est encore, comment dire, elle est toujours bien connue, tu chantonnes, tu reconnais le titre, alors que là, c'est vraiment, je suis sûr, les trois cases d'auditeurs, je parle d'Harmonium, de Jean-Pierre Ferland. Ouais, on ne connaît pas, nous. Après, et bonjour, répétez, quoi. Il y a Antenne 87 qui remet tous ces gens-là à l'honneur. Bah, ouais, c'est chiant, comme ils s'enflamment. Ne serait-ce que la chanson de Céline Dion qui est dans la playlist. Oui, qu'est-ce que tu as choisi, d'ailleurs? Incognito, c'est une chanson que très peu connaissent. Elle est incognito. Voilà. Bien choisi. Mais vous allez découvrir tout ça. Oui, on va en parler au fur et à mesure. Alors, Boule Noire. Tiens, d'ailleurs, pourquoi le nom de Boule Noire? Tintin. Ah, la coupe de cheveux. Bien. Oui. Son vrai nom, c'est George Thurston. Alors, Boule Noire, oui, parce que ça rappelle la coupe afro. Voilà. Et dans son disque qui s'appelait Boule Noire, l'animateur de télé qui l'a présenté a pensé que Boule Noire, c'était son pseudo. D'accord. Et non pas le titre de la chanson. Et c'est resté. Il a dit, puisque c'est ça, je garde Boule Noire. Voilà. Comme la plupart des chanteurs, les pseudos sont restés à cause d'erreurs, de retranscription. Ouais. C'est ça. Et comme quoi, voilà, Boule Noire, on connaît bien. Hein. Alors là, on va repartir avec Aimes-tu la vie comme moi en 76. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, Carole Laure danse avant de tomber en 89. Donc c'est pas si vieux que ça quand même. Ah non, et grande chanson. Et pourtant, la chanson date de 1960. Parce que c'était les Drifters qui chantaient ça. C'est une chanson créée par Doc Pumus et Mort Schumann. Mort Schumann. T'aimes bien Mort Schumann, hein. C'est un grand compositeur. Ouais, j'ai remarqué ça, moi. C'est notre petit chouchou avec Jean Ferrat. Avec Chamicha. Ouais, entre autres. Ah bah oui. Allez, Boule Noire. De 14h30 à 17h, c'est Antenne Dimanche avec Loïc et son équipe sur Antenne 87. Vous écoutez Antenne 87, votre radio locale. Pas de deux, et tu danses et tu vires, plus de pensées en soupir, des toupies, des dieux. Et tu changes, cavalière de rechange, t'entends pas passer l'ange, les yeux bandés. Mais n'oublie pas, pour le dernier tour, toi et moi on a signé. Et danse, danse avant de tomber. Et tu ranges les chaussures bicolores au moment où je sors mes projets d'avenir. Tu t'endors, je t'imagine encore glisser sur la cire, par qu'elle va gémir. Mais n'oublie pas, pour le dernier tour, toi et moi. Alors, restez à l'écoute. Carole Laure, danse avant de tomber. C'est pas mal ça, c'était très beau. Très, ça fait très partie beau. Des grands classiques. À l'époque où c'était Champs-Élysées avec Michel Drucker, c'est souvent qu'elle venait dans les émissions télé françaises. C'est vrai, et comme je te disais hors antenne, cette chanson-là, je l'ai connue en Alsace, mais en version allemande. Mm-hmm. Mais en version française, elle est très bien aussi. Ouais. Très très bien. Bonne chanson. Bon, il sera viré quand même. Bah, j'espère bien. C'est le jour où tu m'embauches qu'il faudra se poser des questions. Ouais, c'est ça. Il va déjà être habillé, là, je te le dis. Ah, bah oui, j'imagine. Ça arrive, là. Hein, il va pas voir arriver. Et quand je vois la taille du texte qu'il y a dans le message et que je vois la tête de Varmin, j'ai dit oula, je crois que je vais en prendre pour mon grade. J'envoie. Allez, vas-y. De Wilfried. Bonjour mon Vavin, gros bisous. Alors, gros bisous des joueurs Wilfried et bonne année surtout. J'ai pas eu le temps. Salut Jeff, continue comme ça, tu deviendras animateur à la MJC de fer. Salut Baratino, continue à te jacher, ça donne des montées au chef. Et bisous au cireur de Charles, pourriez-vous programmer Scorpion? Et en forme. Avec The Zoo, d'avance ou en retard. Merci à vous. Laurent, coucou à mon papa qui adore ses chansons. C'est tout pour le moment. D'accord. Ah bah il est en forme. Ça va encore. J'ai connu pire. Ouais. Il est en vacances là ce mois-ci, donc c'est pour ça. Ah c'est pour ça. C'est pour j'ai ça. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il a mis fer F-E-R-S. Je dis ça doit être un autre lieu, un autre. Non mais c'est parce qu'il y a plusieurs habitants, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Les frères champenoises. Voilà. Tu sais qu'on m'a déjà sorti ça? Ah ouais? Les frères champenoises. Non, c'est frères champenoises. C'est bien vu. Ah, des fois, il y a des niveaux. Ah bah, il y a du level. Il est pas mal le jeu de mots Baratina. C'est pas mal. Oui, ça. Ouais, je ne dis rien. Mais. Ça va rester. Je n'ai encore pas vu Wilfried. Je l'attends. Qu'il se présente à moi. Et qu'il ose m'appeler comme ça, les yeux dans les yeux. On verra. Oh, bah là. Mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Non, je crois pas. Pas de défi. Alors, et tu vas avoir l'équipe de snipers contre toi, tu vas rien comprendre. Ah ouais, vous passez un article sur le journal quand même, un jour où ça se fait. Non, mais ça, je veux être là. En plus, j'ai des enfants. Ça sera filmé. J'aimerais bien qu'on prenne soin de moi. Pour la filmer tout. Ah ouais. Baratina. Bon, ceci dit. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Je salue l'esprit. Qui aime bien, châtie bien. Oui, hein, en bon. Plus, absolument. Moi, ce niveau-là, c'est même plus aimé, c'est adoré. Ah ouais, c'est un moment oui, j'inspire aussi ce genre de sentiment. Voilà, absolument. Pourquoi bien. Aussi bon, Wilfried, à bientôt, hein, quand tu veux. Bon. Oui, je vais te tutoyer, du coup. Quand je sens qu'il y a une petite complicité naissante entre nous. Hein. Il est juste partie de l'équipe, donc oui, bien sûr absolument. Qu'il peut. Il y a une fusion qui se fait. Après allez, ce charmant fou rire. Excusez-nous. Excusez-le. Ah, j'ai le dos large. Hein. Ah, franchement. C'est pour ça qu'on aime bien être dessus. À 3, c'est lourd. Hein. Ah bah. Oh. La gourmandise, c'est pas bon pour la santé. Et elle, ouais, j'ai perdu Jeff. Et elle marche dans le truc, tu sais. Bah, bien sûr. Bah, attends, bah, je commence à être à bonne école quand tu même. Vas avec pas nous, vous. Tu vas pas nous enlever notre plaisir non plus, toi. Ah, mais non, ouais, c'est vrai. Non, mais Alex, tu lui mets un panneau. Attention, la bagnole s'embrouille. Elle y va. Hein, en troisième. Bien sûr, c'est ma touche. C'est comme ça qu'on t'adore. Ce touch Baratina. Yes. Et dis donc, toi, arrête de reprendre un mot qui n'est même pas de toi. Hein, ah, c'est t'as trop tard. Créer, t'as qu'à t'en créer un et un à toi. Oh, merci Wilfried, c'était bon. C'est facile de reprendre les mots des autres. On va s'arrêter là. Allez, blabla. Jeff, si je te dis Claude Dubois, oui. J'ai besoin pour vivre. Eh bien, le blues du businessman, c'est une de ses chansons les plus connues dans Starmania, mais il en a eu quand même beaucoup d'autres. Alors, Claude Dubois, il enregistre son premier album à l'âge de 12 ans. Ah. Donc, il est quand même assez précoce. Ouais, ouais. C'est avec un groupe western qui s'appelait Les Montagnards. Et à 17 ans, il devient chansonnier pour une boîte qui s'appelle le Patriote. Voilà. Et dès 1966, il enregistre quelques titres qui ont un certain succès. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout. Ouais, ça, bah, ça reste donc, aussi. Ça manquait. On sait tout sur Claude Dubois. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est chouette. Comme on disait depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'on n'en entend jamais parler. On ne sait pas qui c'est. Il n'y a plus de mise à l'honneur. Voilà, maintenant Claude Dubois. On sait qui c'est. Ne serait-ce que Starmania, on n'entend plus parler. Quand on entend parler de Starmania, on parle toujours de Daniel Balavoine. Oui. Mais il y a eu quand même d'autres chanteurs. Non, avec... je ne suis pas d'accord. Le blues du businessman, ça a quand même. En plus, ça a été beaucoup repris. Oui. On entend parler de la chanson, mais pas de l'artiste. Oui. Ah, mais quelquefois, il y a des artistes qui s'effacent derrière un super tube. Et pourtant, la voix de Claude Dubois quand il chante le blues du businessman, il y en a d'autres qui ont chanté, notamment François Valéry l'a chanté aussi, mais l'interprétation de Claude Dubois est le top du top. Moi, j'aime bien celle de Nicole Croisy. Ouais, mais moi, je reste sur ma touche Claude Dubois. Quand même. Ouais, c'est vrai, c'était belle chanson. Et après, on aura belle voix. Corey Hart avec Sunglasses at Night en 83. Oui, alors lui, il est. Pas bien avec les lunettes de soleil de la nuit. Alors lui, il est auteur, compositeur, chanteur, pianiste et producteur de musique. Rien que ça. Tout ça dans la même personne. En fait, personne ne veut le produire, du coup, il s'est dit je le produis moi-même. Il y a eu beaucoup d'artistes, c'était le cas. Oui. Que ça soit des artistes chanteurs ou acteurs, comme ils n'ont pas trouvé de producteur, ils ont produit leur œuvre eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'après quelques années, on ne les entend plus. Je fais du mauvais esprit. Oui, parce que après, tu prends, on va être dans le domaine du cinéma. Stallone. C'est lui qui a quand même produit son premier film. Ouais. Ça a bien marché quand même. Hein. Bah, un peu Rocky, oui. Hein. Je crois qu'on quand peut même, dire hein. que lui, on continue de le regarder. Voilà. Ouais, quand même, hein. On n'est pas sur le même genre de carrière, voilà. si je peux me permettre. Non, mais il y a des artistes comme ça. Il y a aussi des gens qui décident effectivement de se prendre en main. Et oui, puis, et puis tu as aussi des artistes qui sont produits qu'on n'entend plus parler non plus. Hein. Il y a de tout. Il y a de tout, ma brave dame. Tu prends The Shorts avec le titre Comment ça va, mais on n'entend plus parler. Il n'y a plus d'autres chansons de ce groupe-là. Donc, c'est comment ça va, comme si, comme si, comme si, comme ils ça. Avaient sur 45 tours, il y avait une phase B par contre, mais je me souviens plus du. Il faudrait rechercher. La version instru, ça se trouve. Oui, ça arrivait. Non, non, je crois pas. Non. Non. Je vais regarder. Je l'avais acheté. Je l'avais acheté. Tout ça, messieurs, j'aimerais bien que ce soit un peu creusé. Et Corey Hart, pour revenir quand même à ce chanteur. Donc Corey Hart a été marié à Julie Masse, est marié à Julie Masse, que nous on a connu dans les années 90 en France avec le titre C'est Zéro. Donc très grande chanteuse aussi que canadienne. On va découvrir ça tout de suite. N'hésitez pas pour vos dédicaces chez le vilain derrière. Vos bafouilles. On est en train de le perdre. Oui, on est en train de le perdre. Là, il n'y a plus qu'à achever. Hein. Ah ouais, là, c'est fini. Oh, ça glisse. Hein. C'est baratinage, j'y peux rien, ça va. C'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est bon. T'aurais tellement aimé le trouver toi-même. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Si, si, si, c'est vrai. Mais bon, heureusement qu'il y a l'oreille. Chapeau l'artiste. Il y a l'oreille aiguisée de Wilfried. On s'est tous pris un scud, là. Là, ça a fait un multiscud. C'est ça que c'est bon. Multidirectionnel. Bon. Allez, c'est parti. On part en musique. Merci pour vos soutiens. Aidez-nous. Aidez-moi. Je me sens seule. J'ai besoin pour vivre sur terre de soleil et de pluie, de légumes et de fruits. J'ai besoin de bouger, de dormir et manger, mais je ne peux vivre sans aimer. J'ai besoin pour vivre. J'ai besoin pour vivre sur terre d'essayer que les êtres ne manquent jamais de rien. Besoin de travailler rien que pour vous donner, car je ne pourrais pas exister. J'ai besoin pour vivre. Titre, appelez-nous au 09 61 36 02 39 ou sur antenne 87.fr. I'm so Antenne 87 vous accompagne où que vous soyez. Retrouvez nos programmes, nos sélections musicales et toute votre ambiance sonore préférée dans une seule appli. C'est simple, allez dans Google Play et téléchargez l'application Antenne 87. Emportez votre radio partout avec vous. Oui, enfin, emporter le poste, ça dépend. Si vous avez une chaîne Wi-Fi, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'on a créé une application, c'est plus simple. Oh, sur les anciens postes, ce qu'on appelait les postes ghetto, dans les années 80, tu te rappelles de ça ? Tu mettais sur l'épaule. Sur l'épaule, ouais. Ah, ouais. C'était bon, ça. Mais ouais, c'est pas compatible Internet. Non. Et puis là, encore plus ancien, poste à galène. Oui. Alors là, non, c'est encore pire. Bah, dis donc, t'as mis du temps. Ça a fait le tour. Ling, ling, ça y est, ça arrive. De mon temps, c'était la TSF. Et t'as vu comment elle attaque ? C'est mon petit côté vintage, un peu. Il va falloir revoir ça. Mets bien ton micro devant toi, on t'entend mal. Bon, tant mieux pour nous. Oui, c'est voilà. Ce que j'allais dire. Tu veux vraiment m'entendre? Tu veux que ça résonne dans tes oreilles? Arrête de lui tendre la perche. Elle s'autoscude maintenant, on peut même plus rien dire. Elle nous gâche le plaisir. Non, t'inquiète pas. En fait, c'est ça, j'ai trouvé le truc. Ah non, je vous sabote. Je vous sabote vos blagues. Ah non, mais continue, c'est bien. T'inquiète pas, il y a du répondant encore de ce côté-là. Oh bah oui, je sais, puis en plus, j'ai un peu mal à la tête ce matin. Cet après-midi. Ne parle pas des absents. J'en ai, si tu veux, si t'as mal à la tête. Ah ouais, peut-être. Tu veux, je suis gentil. 2020, est-ce qu'on a reçu des scuds ou des bafouilles? Oui, on a reçu des petites bafouilles de Renault. Alors, je sais pas si c'est celui qu'on connaît, mais. Non, je plaisante. Ta-ta-ta. Bon dimanche à tous. Ouais, ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Et dédicace à mes amis de Poire. Ah ben voilà, on fait la petite dédicace. La note est salée. Voilà. Allez, et Benjamin, très belle émission et bonne chanson, j'adore. Ah ben merci Benjamin. Voilà, c'est tout pour le moment. Ah ben merci Benjamin. Et Poire, pour la petite anecdote, c'est à côté de Maillecamp, parce que beaucoup de monde. Oui, c'est vrai, ne connaissent pas trop. Ouais. Ouais, c'est entre Maillecamp et Col. Soudé aussi. Ou Soudé-Sainte-Croix. Soudé-Sainte-Croix. Et t'en as un aussi dans les Ardennes. Oui, aussi. Poivre, Ménilanel, c'est dans ce coin-là, à côté de Rethel. D'accord. Voilà, Qu'est-ce qu'on voyage avec Antenne 87, c'est génial. On va mourir moins bête. Il y a du boulot, mais. Oui. Avec après, il faut voir d'où on part. Il faut voir d'où on part aussi. Oui. Grimper l'Himalaya en claquette, ça va être compliqué. Bien. Là, on va repartir avec une chanteuse que vous connaissez toutes et tous. J'ai nommé Céline. Céline. Avec le titre Incognito, qui lui est passé à l'écran. Oui, malheureusement. Totalement à la trappe. Vous allez voir que c'est la sonorité quand même pas mal. Et le grand amour de Céline, c'est René. Ben c'est René. René. Nous l'avons connu en France, René, bien avant qu'il soit le mari de Céline, puisqu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Baronets. Attends, je ne connaissais même pas. Grand groupe dans les années 60. D'accord. Ah, on mourra moins bête. Donc, on en a diffusé une paire de fois dans Golden Oldies. Et donc voilà, ça permet de faire remonter un peu quelques groupes à l'honneur. Oui, ouais, très bonne idée. Et on aura ensuite Daniel Lavoie avec Il s'aime. Grand classique, tout le monde connaît Il s'aime. Ouais, même moi je le connais, alors c'est pour dire. Bon bah ça va alors. Et cette chanson est née suite à un reportage. En fait, c'était il y a eu un bombardement ou un tremblement de terre, je ne sais plus, à Beyrouth. Et dans le reportage, Daniel Lavoie a vu deux adolescents se donner la main par amour et marcher sur les ruines. C'était peut-être un frère et une sœur. Peut-être, mais en tout cas, ça lui a quand même donné l'inspiration. Après, l'amour, ça peut être aussi l'amour filial ou fraternel. Absolument. Pas seulement. Absolument. Voilà. Et donc, Daniel Lavoie, ça lui a donné l'idée pour créer cette chanson. Ah oui, c'est Il s'aime comme deux enfants, puis après, je sais plus. Très sympa. On va l'écouter. Bon, on va découvrir ça tout de suite. N'hésitez pas, Vava, tu nous rappelles. Ah oui, www.antenne87.fr. Important le .fr. Oui, oui. L'onglet participer. Ça te rappelle quelqu'un, c'est ça? Vous déroulez, dédicace. Ah oui. Et la petite bafouille. Oui. Et maintenant, on vous a simplifié le truc. En haut du site, il y a directement podcast et dédicace. Vous cliquez sur dédicace, vous tombez sur la page directement. On a aussi simplifié les captcha, donc les dédicaces passent plus simplement. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne, c'est plus simple pour tout le monde. Et même via l'application, vous cliquez sur site web et vous tombez sur la même chose. Ouais, ça marche mieux qu'avant encore sur l'application, parce que le dernier message que j'ai envoyé, parce que j'étais pas là malheureusement mercredi. Mais t'avais pas envie de bosser comme d'habitude. Voilà, comme d'hab. Ah, sauf que là, ça s'est vu quoi. C'est... Les messages que j'ai envoyés, c'était via l'application. Donc voilà, tester et approuver. Voilà. Approuver, c'est l'aimer aussi. C'est ça ? Exactement. Allez, c'est parti tout de suite. Céline Dion, Incognito. Vous écoutez Antenne 87, votre radio locale de Vitry-le-François à Sézanne. meilleur de vos chansons françaises. C'est chanté en français, mais c'est un peu plus loin. Ouais, Daniel Lavoie. Très, très jolie chanson, hein, vraiment. Daniel Lavoie, comment ne pas penser à Notre-Dame de Paris? Bien sûr. Ah. Oui, c'est vrai. Il avait vraiment sa place dans la comédie musicale. Il y a eu d'autres versions, mais je crois qu'il n'y a personne qui pouvait l'égaler. Ouais, personne ne pouvait tenir le rôle aussi bien que lui. Sans minimiser ceux qui ont pris la suite dans les autres versions de Notre-Dame de Paris, mais voilà, nous on a connu la version avec Fury, avec Hélène Segarra, Garou. Voilà, lui aussi, tiens, on aurait pu en passer du Garou, mais bon, c'était un peu plus récent. Un peu plus récent, ouais. Hélène Segarra et je me Garou. Non, c'est pas ça? Oh là là. Ah ouais. Mm-hmm. Ah bah quoi? Au fond c'est du jardin. C'est pas mal. Non, mais à un moment donné, il va falloir commencer à le ramener. Hein. Il y a la cabane ramener, au fond hein. du jardin. C'est ça. Les portes, elles ferment à 6h, attention. Ah, ouais. Ah, j'ai la permission de 19h. Ah, bon. Les messieurs en blouse blanche, ils m'ont dit tu peux rester jusqu'à 19h. Tu verras, ils ont des belles maintenant, des chemises, ça s'attache dans le dos par contre. Ouais, ouais. C'est un peu embêtant, hein. Mais bon. C'est comme ça. Ouais, c'est qui. 20-20. C'est moi, ouais, c'est moi. On sait que c'est toi. Ah bah il y a du monde qui est là. Alors tant qu'il sache lire, parce que bon c'est compliqué. Ah, et je reprends la lecture. Il s'est arrêté à l'hiéroglyphe vu son âge. C'est ça. Bastien, j'adore cette radio. C'est gentil Bastien, merci. Et Thomas, un dédicace aux amis qui écoutent à la maison, Super Sympa les musiques du Canada. Ouh, tant mieux si ça te plaît. Merveilleux. C'est tout pour le moment. Vas-y. C'est tout pour le moment. Voilà, il faut avoir la voix qui va avec. Oui, ça use bien, les garçons. Hein, c'est un métier, tout ça, c'est un métier. Après, ça les use un peu. On t'apprendra. Oh. Allez, on va repartir avec un grand nom de la musique québécoise, Donald Lautrec. Oui, nous, en France, on l'a surtout connu avec le titre Tu dis des bêtises. Oui, ça, c'est pour nous. Ah oui, et encore, si vous saviez tout ce qu'on fait en dehors. Donc, qui était une adaptation, ça là c'était pas une création, c'était une adaptation du titre The Birds and the Bees, les oiseaux et les abeilles. Mais les abeilles. Oh, c'est si mais là, nous allons écouter une autre adaptation, puisqu'il est 5h, donc c'est adapté du célèbre titre des Aphrodite Child. Ah oui, it's 5 o'clock. C'est oui. Ça. Uh-huh, and I walk through the avenue. Non, un truc comme ça. Pourquoi j'ai chanté? Oui, oui, non, mais si y a une tempête, on aura des noms à donner. Hein. Mince. Elle est déjà passée. C'est la tempête Bettina. Ouais. Bah, tu remarqueras quand même, la trois quarts du temps, les tempêtes, elles ont toutes des noms de femmes. Je sais pas pourquoi. Je me sens pas concernée. Je sais pas, c'est Alex. Ça. Donc, Donald Lautrec n'a pas toujours été chanteur. Il a été garde du corps. Oh. Pour un chanteur qui s'appelle Michel Louvain, donc qui a un grand nom au Canada. Et quand il a été un peu plus jeune, donc en 1957, avec un ami, il a créé un duo d'acrobates sur trampoline. Ah ouais, d'accord. Qui s'appelait Don et Lee. Voilà. Donne-moi un Lee. Eh ben, quel programme. Oui, c'est pas mal. Et après, on aura un chanteur que vous avez pu découvrir plus d'une fois sur l'antenne, Jerry Boulet. Avec Toujours Vivant. Alors, pour le petit synopsis, la petite étymologie de son nom, Jerry, alors c'est Joseph Gaëtan Robert Gérald Boulet, dit Jerry, né le 1er mars 46 à Saint-Jean sur Richelieu, au Québec. Et hélas, il est décédé le 18 juin 90 à Longueuil, toujours au Québec. Et c'est un musicien, auteur, compositeur, interprète québécois. Je vais y arriver aujourd'hui. Et il a été chanteur et multi-instrumentiste pour le groupe de rock Les Offenbach. Toi, tu connais? Oui. On en parlera tout à l'heure. Non, évidemment qu'il connaît. Bien sûr, c'est notre encyclopédie. Voilà, je vous propose de repartir avec ces magnifiques titres. Il est 15h passé de 20 minutes, vous êtes toujours sur Antenne Dimanche. Encore pris en compagnie. 20-20, Jeff, c'est Alex dimanche, et ma pomme. Ah ouais. On va dire que t'es excusable à cause de ça. C'est ça. Et puis parce que t'es président. Et puis je dois vous supporter aussi tous les trois. Surtout. Ah, t'as pas habitué à voir tout le monde comme ça. Ouais. Ah non, ça faisait longtemps. Je pensais qu'il y avait mouvement de grève. Allez, c'est parti. Vite. On part en musique. À tout à l'heure. sera fatigué. Des milliers, des millions qui espèrent. Boulet sur Antenne 87. Bah, une belle voix. Ah oui. J'aime beaucoup. Ah oui, super. Tout le monde une voix à chanter du blues. Ouais. Ah bah, il a fait de très très beaux titres. Hein. Des fois, c'est un crooner, des fois, c'est un rocker. Bah, on parlait de Offenbach tout à l'heure, le fameux groupe. Bah, donc, c'est un groupe qui était de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'était un groupe de rock et de blues. D'où ma petite phrase sur sa voix pour chanter le blues. Excellent. On comprend mieux comme ça. Mais oui, ne dis jamais rien au hasard, Jeff. Bah, j'évite quand même de. Voilà. J'évite de dire des conneries, ça coûte cher. Là, on va repartir dans les années 60, plus précisément en 62, avec Gilles Vigneault. Ah, oui, j'aimais bien aussi ça. C'est vraiment l'un des plus grands noms du Canada connu en France. Bah, oui. Avant Céline Dion, bien sûr. Ah oui, bah, alors, oui, voilà. Et puis elle l'a peut-être un peu supplanté. Non, mais Gilles Vigneault, c'était vraiment la figure du Canada, tu vois, complètement. Il parlait de phoque dans sa chanson. Ah bon? Mais je crois malin avec ça. Non, c'est une boutade, ça. Non, non, mais. Non, mais, mon pauvre. Je vous enverrai un compte rendu. À l'époque où j'ai connu, moi, Gilles Vigneault en France, il y avait un autre grand nom qui était dans un autre domaine. C'était le domaine de l'imitation. Ah. L'un des plus grands imitateurs canadiens, c'était André-Philippe Gagnon. Ah oui, oui. Et il avait une spécialité, comme beaucoup de. Beaucoup d'imitateurs, comme on a nous en France, ils aiment bien imiter un bruit d'instrument de musique. Voilà. Donc c'était Grégorio. Voilà. J'étais en train de chercher en France. Voilà, lui, il fait la guitare électrique. Il fait tout, lui. André-Philippe Gagnon, c'est dès qu'il parlait de Bill Clinton, systématiquement, il faisait la musique de la Panthère Rose avec le saxophone. Le saxo, ouais. Et on avait aussi un autre humoriste très connu, canadien. Il était plus dans le mime, c'était Courte Manche. Ah oui, je me rappelle, oui. Là, ça me dit rien. Courte Manche, ça va bien à la radio, forcément. Ça va moins bien. Je l'écoutais sur une radio que tout le monde connaît. Voilà. Mais, bah, il était vraiment très bon. Et voilà, c'était encore une fois à l'époque où en France, c'était déjà Michel Drucker qui. T'aimes bien Michel Drucker, toi bah, hein. Il a t'en parle avec un petit peu même âge. Oui, parce que il a eu de très bonnes émissions. Mais bien sûr. Que ça soit Champs-Élysées, que ça soit Star 90, voilà, il a eu de très puis bonnes il a émissions. Lancé, un tas si de, je me rappelle bien, Courtemanche, c'est lui qui avait. Il se déformait la figure. C'est ça. Ah ouais, c'était magnifique. C'était une figure, mais. Son, son équivalent mimiques. Actuel, ouais. C'est Jim Carrey. Je ne peux pas vous montrer, mais ouais, voilà. Mais ouais, il était vraiment très, très bon. Ah, il était bon. Et on parle de Michel Drucker, mais il a quand même, comme tu dis, lancé beaucoup de monde. Il a été un des premiers à diffuser Fruider. Et maintenant, c'est le dernier. Bah, et, et c'est quand même lui qui a fait venir. Il est encore là. On parlait de Céline Dion. C'est quand même chez Michel Drucker qu'elle a fait sa première télé française, il me semble. Bah, chez lui, et puis il y a eu aussi avec Pascal Sevran dans la chanson Chanson. Non, on va peut-être pas aller jusque là. Non. Voilà, maintenant on est deux à chanter, c'est terrible. Là, à mon avis, ils souffrent. On va peut-être les achever. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Quand ça commence à crier d'agonie. Moi, j'y peux rien. J'adore la voix de Berrettina. Ah, puis là. Allez, c'est Barrettina, hein, c'est pas Berrettina. Oh, j'aime bien Berrettina aussi. Hein, puis là, à ce niveau-là, c'est même plus un meurtre. C'est un service rendu à la communauté. Oh, oui. Ouais. Je pense qu'on aura une médaille pour ça. Oui, non, je pense qu'on va être récompensé. Ouais, en chocolat, ouais. Ouais, alors chocolat blanc ou au lait pour la petite auto-satisfaction des mâles. Du chocolat. Franchement. Du flattage des mâles. On parle de vous deux là qu'on va achever. Je savais pas qu'il avait un côté féminin, Vinvin. C'est fort possible. Un petit peu. Bonjour, monsieur. Exprime-toi, Vinvin. Exprime la femme qui est en toi. Oui. N'aie pas peur. C'est pour ça qu'on laisse faire ses jingles lui-même. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait. Là, dans Rétro 80, les gens pensent qu'il y a une speakerine. Ouais, non, c'est... Ce n'est que lui. Non, ce n'est que lui. Je vous jure, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pour ça. Et on aura ensuite, on repartira avec Donald Lautrec avec Tu dis des bêtises. Tiens, Vavin, c'est pour toi. C'est pas du tout notre genre. Hein. Il fait de la peinture, ce monsieur, pas. Donald Lautrec. Donc la fameuse chanson dont on parlait tout à l'heure. Très bien aussi, également, bon, Donald Lautrec. Ah, oui, il fait de la peinture, le monsieur. J'adore. Ouais. Oui, du côté de Toulouse. Allez, file en tâchant. Vous sortez. Il est. On peut plus. Irrécupérable. Et ça va faire 3 ans qu'il est à la radio. Dans un mois, ça fait 3 ans. Oui. Je te remercie, Vinvin, parce que grâce à toi, moi, je suis un peu soulagée aujourd'hui. Tu fais partie des meufs, et pour toi, les meufs sont toujours. Parle pas trop vite. Oh mince, je vois Jeff qui commence à me regarder, mince. C'est un peu poussiéreux les meubles. Ah, tu m'étonnes. Clé. Allez, c'est parti, on repart en musique. N'hésitez pas à envoyer vos petites bafouilles chez Vinvin, il est en forme. Ouais, t'en as reçu? J'en ai deux, si tu veux. Vas-y, allez. De Louis, on passe de... Elle va se taire. On passe de bons moments avec vous, on voyage, on découvre des gens. Lui qui nous a dit ça. Mm-hmm. C'est fait pour ça aujourd'hui, lui. Et c'est pas nous les gens. Non. Ah, d'accord. Okay. Ça va mieux. Nicolas, coucou aux parents et aux proches branches. Oh, dis donc, oui, bah alors coucou. Parents aux proches branches. Et aux proches branches. Ah, bon. Les branches de l'arbre généalogique. Bah, ah, ça doit être ça, là. Oui, oui, bah, bien sûr. Oh, mais là, c'est sophistiqué pour nous le dimanche. Calme-toi, Nicolas. Bah, calme-toi. Parle pour toi, Vavin. Oui, tu vas prendre Qu'est-ce qu'elle nous fait. Enfin, bon. On arrête parce que ça va te la couper. Ouais, ça va on dérive, là. Ça va te la couper. Je rends l'antenne. Oui, tu rends l'antenne. Merci. Elle est lourde. Merci, Vavin. Allez, c'est parti. Gilles Vigneault avec la danse à Saint-Dilon. Aussi Jean-Marie, mon cousin, mon ami, Camille, sa belle habille avec ses petits joujoux vernis, la blabie, comme on dit, comme un camille, j'y voyage. Quand on danse à Saint-Dilon, c'est pas pour des embrassages, c'est d'orer le plus savouré, il faut pour penser des fonds, il faut faire sur violence, si vous voulez pas être sage, aussi belle parce que tout est bien, il y a une place pour ça, tout le monde mélange, et puis tout le monde danse, Jeanne danse avec Antoine, et puis Jeannette avait Raymond, si toi viens d'arriver avec Thérèse, elle s'écoute, avant passer la soirée, à faire semblant de s'amuser. À son ami Jean-Louis, son amour et son ami, qui est parti gagner sa vie autour de l'île Anticosti, est parti à vous samedi quand même au Digimal Fétard. En dansant des sept corps, et puis de blanc, et puis d'allongé, et puis de corbeau dans la cage, et puis nous l'avons passé midi. C'est Charlie qui a tout calé, avec tout son amoureuse, il s'est fait mettre au vacances, la moindre année du bon gris. Un dernier tour, la chaîne des dames avant de partir, avant serrer la main du fort, avant de garder, j'ai perdu le poids dimanche, on sera pas les mêmes, j'ai réti, ben j'ai réti, pas être salé, passé tout droit, j'avais jamais viré comme ça. Le tout étourdi, mon amour et mon ami, c'est ici qu'il s'est mis à la tournée comme utopie, à la campée, puis à la diva, les morts divines et jeudi, ça récite en banane. Quand un petit gars de Saint-Dilon prend un coup après une fille, il a fait tourner si vite qu'il ne peut plus s'arrêter. Pour un petit avoir violon, avoir à toute la famille, avant si ça me dit en vie, il pourra être invité. Oh, t'as la belle vie, fais la main de l'envie, oh, t'as j'y vends, fais la main de l'envie, et puis fais la fond, et puis tout, c'est le corps, et puis vas-y, welcome. Laisse-moi te dire, tu dis mes bêtises, petit, mon qui te nuise, dis rien mon amour, ce n'est pas le jour. Laisse-moi te dire, tu dis mes bêtises, pardonne-moi ma franchise, mais tu vois je suis à bout. Yeah. fois à Cézanne. Vous êtes sur Antenne 87, votre radio locale. Chaque jour, infos, documentaires et les grands classiques de la musique des années 50 à 95. Antenne 87, la proximité, la culture et le son qui vous accompagne. Exactement. Voilà, vous êtes toujours sur Antenne 87, comme a dit le monsieur. C'était sympa, une petite musique. Oui. Oh, puis alors ça, c'est souvenirs d'enfance. Ah oui, carrément. Hein, ah ça ouais. m'a ramené quelques années en arrière. Ah oui, quelques, tu peux le dire. Ouais. Quelques dizaines d'années en arrière, pardon, j'ai oublié un mot. Moi, j'avais une question pour Jeff. Gilles Vigneault, on l'associe totalement au violon, tout ça. Oui. C'est lui qui joue. On l'a vu jouer une paire de fois. Ouais, en fait. D'accord, ok. Ouais. Et l'autre truc là qui fait clac-clac, là, c'est lui aussi. Ah, les, comme les cuillères. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme instrument? Bah, c'est les cuillères. Bah, après, il y a la version cuillère en bois. Ouais. C'est un grand, grand, grand classique dans ce qui est instrument de musique, notamment dans la musique cajun. Ouais, c'est vrai. Après, québécois, tout ça, mais en cajun, on utilise souvent ça et puis l'accordéon. Ah, bah, tu vois, ça, là, c'est vraiment ça me vient moins à l'esprit. Mais c'est vrai que le violon et les cuillères, c'est vraiment caractéristique. Oui. Ah oui. Il y avait ça, il y a aussi le... alors, c'était la planche à laver. C'est une planche qu'ils mettent sur le poitrail. Ah oui, et puis où ça fait des, des petits bâtons, oui, en fait. Oui, oui, oui. Et avec un instrument. Un gros bâton, voilà. il passe comme c'est ça. C'est ça. Bon, là, c'est un peu visuel ce qu'on est en train de faire. Les gens nous comprendront. Non, non, mais ça nous permet, nous, de se mettre dans l'ambiance pour pouvoir mieux en parler. Mais oui, de rien, le fait de faire des gestes, ça aide, même c'est si c'est à la radio. Oui, c'est pas filmé aujourd'hui. C'est vrai qu'on aurait pu. Et là... Non, non, c'est pas Halloween encore. Non, oui, on va éviter. Ouais. On va éviter. Ne sois pas aussi dur avec toi-même. Non, je suis réaliste. C'est un dur à cuire. Jeff, si je te dis Ginette Renaud. Ah, alors. Ah, j'adore autre. Ginette Renaud. Ah bah vas-y, parle-en. Là. Oh non, je suis absolument incapable d'en parler. Sauf que, effectivement, j'ai dû la connaître au cours d'une émission de Michel Drucker. Je crois qu'il l'invitait très, très souvent. Et j'aimais beaucoup cette dame, parce que je me souviens qu'elle n'avait pas du tout le physique de l'époque. Et j'avais trouvé ça très chouette d'avoir une chanteuse reconnue qui soit pas dans les critères un peu habituels. Et j'adorais cette chanson, c'est pas ce que tu as choisi je crois, mais qui s'appelait J'ai besoin de parler. Non, c'est pas celle-là. Hein? Et voilà, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ça on le sait. Histoire, faut que tu le dises, hein, si t'as besoin de parler. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu mon credo. Non, mais c'est pas ça. Non, c'était une très jolie chanson de couple. Qui est un petit peu dans une période de creux. Voilà, je trouvais que c'était très tendre. Et Ginette Renaud était une des premières grandes voix du Canada que nous avons découvert en France, bien avant Céline, bien sûr. Mm-hmm. Mais voilà, donc Ginette Renaud, de son vrai nom, R-A-Y-N-A-U-L-T. A-U-L-T. Voilà. Elle a simplifié. Voilà. Elle est chanteuse, mais elle est aussi actrice. Ah, je n'ai jamais vu actrice. Alors, au Canada, il y avait un film qui s'appelait C'est à ton tour, Laura Cadieu. Ah, tu devrais mettre l'accent là quand même. Ah non, non, pas, ah, non, non, j'ai pas envie de choquer les oreilles et de on faire est écouté là-bas, on va éviter. Hein. Mais nous, en France, nous l'avons connue dans un téléfilm qui s'appelait La Voix en or. Donc, elle est aussi grande actrice qu'elle est grande chanteuse. J'aime beaucoup sa voix et les thèmes de ses chansons. Et elle est vraiment l'une des artistes les plus emblématiques du Québec. Et après, on aura Harmonium avec Pour un instant. Alors Harmonium, c'est un groupe ou c'est quelqu'un? C'est un groupe de folk rock. Mm-hmm. Alors, formé en 1972 à Montréal. Et il était l'un des groupes les plus populaires dans les années 70. Mm-hmm. Et même encore maintenant, on le considère comme l'un des groupes les plus emblématiques du pays. D'accord. Et les plus influencés. Influencé dans le sens où c'est eux qui ont inspiré bon nombre de groupes qui se sont créés par la suite. Ok. Ouais, là, début 74, ouais, c'était l'époque, comme nous en France, on avait Triangle, voilà. Les Martin Circus. Avec Jacques Nau, tout Jacques ça. Nau. Mmh. Effectivement. Bon, ben, on va passer encore un bon moment musical. Est-ce qu'on a reçu des bafouilles? Non. Vu la tête, non. Non, je sais pas, ils sont partis. À l'instant. Claudine, bon dimanche à tous les Marnais. Bonne émission, c'est sympa, c'est musique. Je connaissais pas. Ben voilà, Claudine. Ben maintenant, vous connaissez. Jeff nous a arrangé ça pour vous. Mm-hmm. Oui, il a fait un bon travail. Ça me fait chier de le dire, mais il a fait un très bon travail. Ouais, bah ça t'empêchera pas de le virer. C'est ça qui compte. Ah, ouais, ouais, ouais. Jeff, tu tiens le bambou. Ouais, c'est tout ouais, pour le moment. On va... J'ai lu dans tes pensées, on va éviter. Oh. Bien. Ben vous avez quand même des pensées. Oh, ils ont l'esprit tordu, hein, ça croyait. Ne plains pas, au moins on a des pensées. Oui. Oui, c'est vrai, c'est déjà pas que pas de l'argent. On ne dépense pas que de l'argent. Allez, c'est parti. Tu as raison, il faut voir la bouteille à moitié pleine. Oui. Avec toi, oui. Quand on a envie de pleurer, Sur Antenne 87, j'espère que ça vous a plu, nous aussi d'ailleurs. Ouais, franchement, moi quand j'ai fait la playlist, c'était vraiment une très belle découverte. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Encore une fois, on en revient au fait que dans la majorité des médias, quels qu'ils soient, que ce soit télévisuel ou radiophonique, on ne met pas assez à l'honneur les autres chansons. Voilà, on parle toujours de commercial. Oui, alors que, ouais, alors qu'il y a de très belles pépites, la preuve. C'est vrai. Celle de Gilles Vigneault qu'on vient de diffuser, c'était Saint-Dilon. Mmh. Franchement, ça bouge, quoi. C'est du pur cajun et c'est. Voilà, ça manque. On a entendu le par ailleurs. Voilà, après, du cajun, nous, on a connu en France avec Travailler, c'est trop dur, Julien Clerc, puisqu'à la base, c'est du cajun. C'est pas lui qui l'a chanté en premier, c'était Zachary Richard qui l'avait chanté avant lui. Mais dans la majorité des médias, déjà, on ne dit pas le type de musique que c'est. Non. Dès que ça touche au milieu de la country. Dès que c'est Michael Jackson, voilà, King of the Pop, on sait que c'est de la pop. Elvis Presley, ah, on va écouter un petit rock. Voilà. Systématiquement, on va dire, pour les autres artistes, leur type de musique. Elton John, voilà, c'est de la pop, on va le dire. Sting, ça va être de la pop ou tiens, une chanson rock. Sauf que faut savoir que Sting a aussi écrit une chanson country. Oui, mais parce que c'est un milieu très, très, pas renfermé, mais très inconnu. Très, voilà, c'est... Le problème, c'est que le monde de la country est lié au monde du western, alors qu'ils sont vraiment très différents. Bien sûr. Une musique western n'est pas country, par contre, une musique country peut être sur un film western. D'accord. C'est la différence. Mais pour être de ce milieu-là, pour avoir être déjà un fervent défenseur du monde de la country, on a souvent eu, nous, l'image de ringard. Donc voilà, dès qu'on dit, oh bah tiens, on fait de la country, allez, on diffuse Cotton Eye Joe, hey, Rannex, allez, c'est bon, on est content, on se tape sur la jambe. Non, c'est pas ça. La country, c'est autre chose que ça. On aura l'occasion de refaire une émission, tiens, de 6 jours. Bien sûr. Si ça te dit, sur le monde de la country, pour découvrir un peu les différents types. Bien sûr. Et vous verrez que la musique country, c'est très varié. Il y a du cajun, il y a de l'irlandais, il y a du gallois, il y a du français, il y a de l'allemand. C'est pour ça qu'il y a des yodels dans certains chants country, c'est pas pour rien. Quand dans les films western, on voit John Wayne qui est en train de danser des valses sur la musique de Strauss, s'il y a une musique autrichienne, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire beau. C'est pour ça que ça s'appelle country. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle country, parce que chaque pionnier ramenait le folklore de son pays d'origine. Country. Voilà. C'était le cri du cœur de Jeff pour sauver la country. Faut en parler. Mais on sait, ça te tient à cœur. Oui, non, mais je trouve ça bien de le remettre à l'honneur. Mais c'est vrai que ça explique le fait qu'il y a beaucoup de chansons, pas forcément de la country, parce que je ne suis pas que ça, mais il y a beaucoup de chansons, par exemple rock, qu'on n'entend quasiment jamais, ou très peu à la radio. Alors qu'on a de très très très bons groupes. C'est pour ça qu'on est là, nous. Et bien justement, on va faire comme tu l'as dit, c'est très bien, tu as amorcé ma phrase, Jeff. Comme quoi, il y a du travail derrière. Ça fera 100 balles et puis une barre symbiose, au chocolat. J'ai la barre chocolatée, éventuellement ici. Allez, on va faire une petite pause. L'équipe, vu l'âge avancé de l'équipe, on va faire une petite pause de 3 minutes. Enfin, plutôt 5. Il va nous en falloir beaucoup plus hein, pour nous lever. Ah bah déjà. Toi déjà, le temps que tu te lèves. Ouais. On va mettre un palan. C'est EHPAD 87. Voilà, c'est ça. 87. Allez, je vous propose de partir avec une petite dédicace de Wilfried avec The Zoo des Scorpions. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, c'était Scorpion avec The Zoo sur Antenne 87. Alors cette petite musique, c'est les prémices de ce qui vous attend dans Salut les Graisseux en semaine 08, donc pratiquement mois de février. Voilà, donc, c'était du rock, hein. Ouais, ah ben là, c'était du hard rock, hein. C'était du vrai hard. Voilà, vous allez retrouver ça très très prochainement dans Salut les Graisseux avec Wilfried. Voilà, donc la petite pause se termine pour nous. On va repartir avec encore de magnifiques titres. J'ai nommé Jean-Pierre Ferland avec Le Petit Roi. Jean-Pierre Ferland est l'un des plus grands noms au Canada, au Québec. Alors, il est né en 1934 et décédé le 27 avril 2024 à Saint-Gabriel-de-Brandon ou Brandon. Je sais pas si on dit avec l'accent ou pas. Avec l'accent. Alors, il est auteur, compositeur, interprète. Il débute en 1958, poussé par ses collègues de la Radio-Canada. D'accord. Alors, c'était Société Radio-Canada, SRC exactement. Il a été animateur télé, notamment dans l'émission Jeunesse oblige et aussi dans l'émission L'été des Bozos. Bozo était l'ancien nom, était le nom du premier groupe dans lequel il était entré avant d'être en solo, on va dire. D'accord. Il est aussi comédien, et il a été comédien une seule fois dans le film En haut de la pente douce en 1963. C'est récent. C'était hier. Ouais, c'est pas si loin que ça, les années 60. C'est la première fois que je peux dire que j'étais pas né. Ça fait du bien, hein. Moi aussi, je peux le dire. C'est un truc, c'est agréable, hein. Ouais. J'étais pas né. Donc là, il se sent jeune d'un coup. Ouais, ah, c'est clair. Là, carrément, on se redresse, tu vois. Là, je fais un effort, mais je me redresse. Bah oui. Il va aller se faire une teinture, tu vas le revoir, tu sais, brun, avec le petit costard. Une moustache. Ouais, la moustache. Costard de marié. Là, il va se marier avec une petite jeunette, voilà. Oula. Je vais pas chercher les coups, là. Bon, je suis dangereusement, va. Je crois que là, ce soir, il va dormir sur le canapé. Ah oui, merci les copains. Ah, c'est déjà prévu. C'est pas là, il avait prévu le coup, hein. Ouais. La place est toujours lit, il est chaud, il y a la couette. Ah bah voilà, mais il n'y a plus le sèche-linge. Bon. Non, ça c'est non, c'est pas. Allez, on aura ensuite un chanteur que vous connaissez toutes et tous sur notre antenne, Robert Charlebois. Ah. Je t'aime comme un fou. Oh, merci Loïc. De rien, non, c'était Alex. Pas à prendre au pied de la lettre. On vous laisse les clés pour fermer, là, tous les deux, ou ça va aller? Putain, j'ai oublié. Non, moi, il faut que je rentre, j'ai du repassage. Là, qui te Robert plus Charlebois, là. Ben oui, franchement, une émission spéciale Québec sans Robert Charlebois, ça n'était pas possible. Moi, j'adore ce gars-là. Alors, j'ai toujours été fascinée par son physique, un peu enfantin, un peu joyeux. Et là, je viens de regarder. Parle de Havin, là. Je parle de Havin, ouais, c'est ça. Mais avec des cheveux bouclés, rien à voir. Ah. Et je viens de regarder quand même sur l'internet, comme on dit. Eh bien, figurez-vous que Robert Charlebois, il est né plus ou moins au moment du débarquement en Normandie. Pour vous situer dans le temps. En 45. Dans le bateau. En 44. Il est né en juin 44. C'est fou, hein. Parce que moi, je le vois toujours avec ses boucles et tout. Et donc, il a plus de 80 ans. Je ne sais pas tellement ce qu'il fait maintenant, mais il a fait beaucoup, hein, parce qu'il a été chanteur, compositeur, acteur. Mmh. J'ai vu effectivement qu'il, qu'il avait quand fait. Même. Mais tu m'écoutes quand je parle? Quand même, je te respecte, moi. Hein. J'ai rien dit. Non, il a été acteur avec Miu Miu et Terence Hill. Oui, dans ce qu'on appelle les Western Spaghetti. Oui, hein, c'était un génie et deux cloches, je crois. Un génie, deux cloches, un associé. C'est ça. Avec Terence Hill, donc, et donc film de produit, en tout cas, par Sergio Leone, dans cette grande vague des Western Spaghetti, hein, qui étaient quand même des Western un peu pastiche, hein, qui se prenaient pas trop au sérieux. Ça dépend lesquels. En fait, ouais. Les Western Spaghetti, t'avais deux écoles. T'avais l'école, comme tu dis, qui se prenait pas trop la tête, notamment les Terence Hill et Bud Spencer, avec on l'appelle Trinita, maintenant on l'appelle Plata et ainsi de suite. Ouais. Baratina, voilà. Etc. Ça aurait pu être, ça aurait pu être un titre. Ah, tu l'as film. Pas vu venir celle-là, hein. C'est de l'autodérision. On écoute Baratina. Mais t'as aussi les films western un petit peu plus sérieux, bah, notamment les Clint Eastwood. Avec L'Homme des Hautes Plaines et ainsi de suite. Ah oui, c'est vrai, il y a eu Clint aussi. Ah ouais. Bah oui. Ouais. Et alors c'est marrant, hein, parce que ça revient en force le western. Hein. Là, ces dernières années, il y en a eu des très très beaux. Oui, parce qu'il y en a eu un qui a été diffusé récemment à la télé, qui s'appelait Appaloosa. Oui. Bon, avec Ed Harris. On va pas faire cinéma, même si on en a très très envie, mais c'est pas le moment. En tout cas, Robert Charlebois, voilà, évidemment. Alors, il a commencé dans les années 60 et il a fait hit sur hit sur hit, quoi. Hein. Je reviendrai à Montréal, Lindbergh, évidemment, Ordinaire. Et ça me fait penser qu'il y a une actrice française qui est, mais fan déclarée de Charlebois. Elle dit qu'elle peut l'écouter en boucle. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Alors, donne voir juste les initiales, voir. Non, je ne peux pas les initiales. Bon, alors, un indice. Initiale bébé. Il n'y a pas. Non, c'est Valérie Lemercier, qui est absolument fan de Charlebois. Voilà, tout ce que je peux dire sur Robert Charlebois. Tu nous as choisi quel morceau? Ouais, comme il a dit le monsieur juste avant, je t'aime comme un fou. Je n'écoutais pas. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est Alex. En plus, j'avais été totalement ému. Alex, c'est un lapin. Elle court, mais elle a déjà oublié ce qu'il faut faire. C'est lapin croisé avec un poisson rouge. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un tour de la course, et elle a déjà oublié la question. Ah, c'est fini. Oh, yeah, yeah, yeah, ça va trop vite. Hein. Tu sais que quand elle a accouché, elle avait oublié qu'elle avait un gosse. Alex, sors de ce corps. Allez-y. Donnez-moi Berrettino. Allez-y. Bon, c'est pas grave. Bon, je t'aime comme un fou, mais moi aussi je t'aime, Loïc. Eh ben, c'est l'essentiel. Allez, c'est parti. Je dois être un peu folle. Beaucoup même. Personne n'est parfait. Hein. Tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets. Beaux il est, puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Viendrait au monde une deuxième fois dans la peau d'un chat. Je me sens comme une fontaine après un long hiver et j'en ai l'air. J'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur et je n'ai pas eu peur. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un autre que moi. Tu diras aux copains du coin que je ne reviendrai plus, mais n'en dis pas plus. Ne dis rien à Marie-Hélène, donne-lui mon chat, elle me comprendra. J'ai laissé mon jeu d'aquarelle sous les bancs de bois, c'est pour toi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois. Comme un petit roi. Non, mais on rate pas quand tu dis ça. Ah non, non, non, je te rassure. Non, il se passe un truc entre les deux. Je ne suis pas de... Non, je ne suis pas de ce bord-là. Bah, il y a des ondes à la radio, c'est normal. Oui, d'accord, mais moi, je parlais de sentiments. J'ai bien vu hein, ce qui se passait entre vous deux. D'accord, ouais, non, non. Jalouse. En tout cas, c'était sympa, ce petit Robert Charlebois, j'adore. Ça c'est toujours bien, de toute façon. On a vu, tu dansais. Oui, absolument. Comme tu dis, heureusement, nous ne sommes pas filmés aujourd'hui. Oui, fais gaffe, tu vas te faire un col du fémur. Fais gaffe, hein. Danse pas trop fort. Ça fait pas partie du vélo, ça, le col du fémur? C'est pas un truc? Non, c'est après bu... Bah si, c'est après le col du buisson, tu verras. Ça va, Alex? Oui, ça va, ça va, ça va. Moi, sinon, oui, Robert Charlebois, toujours aussi bien, que ça soit des musiques énergiques comme celle-là ou un peu plus calmes comme Je retournerai à Montréal. C'est là une voix qui se pose sur quel que soit le tempo. Mmh. Ça ouais, qui est bien. Ouais, ouais, ouais. Et j'aime bien, oui, son petit grain de voix. Et j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure sur Robert Charlebois qui m'a vraiment beaucoup étonné, c'est qu'il est aussi, ou il a été brasseur. Mmh. Il a acheté une entreprise et il a fait sa propre bière. D'accord. C'est marrant ce mec-là. Bah, il s'intéresse à tout. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu devrais l'inviter dans Confidence Musicale. J'aimerais bien, oui. Mais je n'ai pas le nom de son agent. Non, je sais même pas si. En tout cas, moi, je suis totalement partante pour aller faire l'émission chez lui directement. Hein. Non, mais bah, nous d'abord. On va pas le faire venir. Nous, on attend déjà l'invitation pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, déjà. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a un duplex qui est prévu normalement, mais on ne sait pas encore quand. En tout cas, moi, je suis totalement partante pour aller au Québec. On a déjà du mal pour faire un duplex à Cézanne, alors à Saint-Pierre-et-Miquelon. D'ailleurs, une auditrice de Saint-Pierre-et-Miquelon m'a donné une carte de visite. Si on veut passer là-bas en vacances, on a un logement qui pourrait nous être prêté. Même pas loué, mais prêté. Ah bah alors, raison de plus pour faire une émission là-bas. C'est ça la gloire. Alors, si vous commencez à avoir comme ça des petits avantages en nature. J'avais pas encore fixé mes vacances, mais alors là... Ben voilà, c'est le moment. Je sais pas ce que ça donne les vacances à Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein. C'est très beau. C'est beau. Bah oui, bah attends. C'était une punition à un moment dans mon métier. C'était une punition. Absolument. Les mutations là-bas. Ouais. Alors, j'ai beau faire les conneries, on m'a toujours pas proposé. Donc, Pourtant, tu y vas. Hein. Ah oui, mais non. Ça non, malheureusement. Pas. T'en fais pas assez. Je pense, ouais. Je pense. Ah oui, moi, j'ai l'image d'un pays un peu rude, un peu. On n'est pas au Groenland, non. Mais non, mais tu crois quoi, toi? Mais oui, on n'est pas. Non, c'est un paysage. Alors, t'as l'impression d'être au Canada parce que les maisons sont très colorées. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est très regroupé parce que tu as que Miquelon, Langlade et tu as Saint-Pierre dans le nord. Tu as que deux patelins, en gros. Et tu n'as rien entre. Et il faut savoir que Miquelon, Langlade n'est pas accessible tout au long de l'année parce que la marée recouvre la route. Ouais, c'est rêche hein, quand même, hein, comme patelin. Voilà. Hein. Miquelon, Langlade, il n'y a qu'une centaine d'habitants à peu près, mais qui ne sont pas permanents. Sinon, tout le reste vit à Saint-Pierre. Voilà. J'ai un collègue de ma promotion qui est parti là-bas à l'électricité de France, qui est dans les centrales thermiques là-bas. Il m'expliquait un peu la vie. Ouais, ça donne envie. La vie est certes un petit peu chère, quoique, comme c'est le Canada qui fournit et que la vie est moins chère, ça va. Mais puis t'as pas besoin de la voiture là-bas, donc le carburant et la boîte chère là-bas, hein, tu peux y aller en vélo, oui, même en fait, les c'est une vie qui te force à faire des économies peut-être. Oui, enfin ça dépend. Non, puis même l'esprit du Canada est à 100 lieues de l'esprit qu'il y a en France. Nous, on a ce qu'on appelle la fête des voisins. Cet esprit-là de la fête des voisins, c'est tout le temps. C'est quoi. Tous les jours. Eux, ils sont vraiment dans l'entraide. Pour avoir vu beaucoup de reportages sur ce pays-là, il y a beaucoup, beaucoup de points positifs. Bon, les seuls aléas, c'est que si t'as besoin, je sais pas, j'ai une bêtise, ta pompe de piscine, qu'il y en a là-bas, mais ta pompe de piscine est tombée en panne, t'attends quoi, tu l'as pas le lendemain dans la boîte aux lettres. Il y a des choses qui sont un peu plus longues. Il y a un truc qui commence par A qui livre pas. Si, mais c'est très long. C'est long. Okay. Voilà, il y a des choses qu'il faut anticiper. C'est pas la vie à l'européenne, enfin la métropolitaine en tout cas, où t'arrives, tu fais ce que tu veux. Non, c'est différent. Mais... Moi, la seule image que j'ai de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un très beau film avec Juliette Binoche qui s'appelle La Veuve de Saint-Pierre. Je vous invite à regarder. Ouais. Très joli film, mais effectivement un petit peu sombre. Mmh. Parce que si on a la ref, la veuve, c'est quelque chose d'assez fatal. Mmh. D'accord, je vois. Ok. Bon bah c'est pris. Le rendez-vous est pris. Oui oui, regardez La Veuve de Saint-Pierre avec Juliette Binoche. Voilà. Allez, on va sourire un petit peu. Oui. On va passer du côté des bafouilles. Oh bah tiens. Allez, va là. Petite bafouille. Ouais, mais là. Excuse-nous de t'avoir réveillé. Ça allait bien jusque-là, mais ça va dégénérer. Ah. crois que c'est pour moi le missile maintenant. Ah. Chacun son tour. Hein. Mm. Bon, on va voir ça après. Allez. Mathieu, pense fort à toute la bande qui réagit. On danse sur ces belles musiques. Merci Mathieu. Alain, bon dimanche à tous et bonne émission. L'équipe, j'écoute en bricolant, c'est sympa. Voilà. Fais attention en bricolant quand même, ouais. Parce que des fois on dit des conneries, alors si jamais ça dérape. Hein. On ne veut pas être responsable de l'accident. Non, on ne sera pas responsable. Sébastien, dédicace à ceux qui partagent ce moment. Merci. On en profite. Pascal, ça donne toujours autant envie de vous écouter. De vous écouter. Oh là là, ça y est, c'est parti. C'est un Kazakh. C'est un Kazakh. Ah, vous la fortune. Ah, vous la fortune. Anthony, salut à la famille et aux amis fidèles. Okay, alors bonjour. Denis, coucou d'Arcy sur Aube. Chouette émission comme toujours. Merci Denis. Ah oui. André, émission bien faite et quelle ambiance, j'adore. Ah ben, on essaye. Ouais. Ah là, aujourd'hui, moi, je prends un petit peu cher, mais si ça fait rire les gens. Oui, mais c'est les soldes, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, là, c'est mon petit missile à moi, Wilfried. Resalut 2020, tu dois dire Baratino et non Berettino. Non, parce que sinon, c'est la Bérésina. Attends, mais laisse-moi finir. Ah, oh, il mange tout le truc, lui. Oh là là, il spoil. Tu confonds avec la Bérésina. Oui, en plus, voilà. Je connais la Bérésina, c'est chez moi, c'est dans les Ardennes. Alors, toi, je comprends, tu fais ce que tu peux et si tu insistes, ton surnom sera Bugs Bunny, alors. Merci, Wilfried, je pouvais compter sur toi, je le savais. Et enfin, Alexandre, pour terminer, pense à ceux qui chantent ensemble, comme mes parents, qui chantonnent. C'est gentil. Ah bon, on pense à eux aussi. Nous aussi, si on peut chantonner, c'est super. Non. Non, on peut pas. Non. Tant pis. Non, surtout pas. Bon. Non, parce que moi, après, j'ai de la route pour rentrer. Et j'aimerais bien rentrer, justement. Oui, oui. Ne pas être trop perturbé. Non, ne pas être coincé sur la route. D'accord. Allez. Allez, on va repartir en musique. Déjà, 16h passées de 21 minutes. Merci, Vavin, pour ces belles bafouilles. Il a pris une rasade. Allez, hop. Allez, ça, blanc. Fait. Je suis rhabillé. J'ai remarqué, à chaque fois que Vavin dédicace, ou que ce soit pour dédicace d'Antenne Dimanche ou Rétro 80, il y a un moment calme, comme s'il n'y a rien. Et il se prend... Ils aiment bien comme ça, une tripotée de dédicace. Alors soit c'est lui qui doit me faire bugger le serveur, ou soit c'est les grands trucs de ma vie, ça. Ouais, c'est... Exprime-toi, c'est le moment. Est là pour t'écouter. Oui. Si tu fais la psy. Tu as quelque chose à dire? Il est où le divan? Docteur Berettina. Ah, ça va rester. Appelle-moi Docteur Béré. Ça va rester. Allez, tout de suite, les bébés avec Fais Attention. Alors les bébés, pourquoi les bébés? Bah pourquoi pas. Non mais que veut dire bébé? Brigitte Bardot? File dans ta chambre. C'était sûr. C'est ça. Ah, non, mais oui, évidemment, j'allais répondre. Il y avait une chose à ne pas dire, c'était ça. Non mais voilà. Baby boom. Non plus. Ah. Beau brun. Ah presque. Belle brune. Belle brune, ouais. Les beaux blonds. Les beaux blonds. Ah, j'étais pas loin. Voilà, pour ça je te dis presque. Mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors c'est un groupe qui a eu beaucoup de succès fin des années 80 jusque début des années 90. En 90, ils ont accompagné. Ah ça y est, ça a bugué. Oh, il y a un bug. Maman, j'ai la radio décolle. On dirait un vieux téléphone. À l'aide. Je vais commencer à mordre. Ah non, hein. Qui c'est qui m'appelle? Il y a de la viande. Hein. Donc, en 1990, ils accompagnent Patrick Bruel au Zénith de Paris. Et cette même année, ils vont recevoir 3 trophées de la Disque, qui est voilà, l'équivalent des victoires pour chez nous. Ils vont recevoir le trophée de groupe de l'année, album rock de l'année et spectacle pop rock de l'année. Bah c'est dommage qu'on n'en entende plus parler, ils avaient l'air d'avoir un avenir très prometteur. Oui, surtout qu'ils ont participé aux Francofolies de 2008. Ah, c'est pas mieux. Donc comme quoi, il y a quand même encore des organisateurs d'événements qui pensent à regarder un peu au-delà de nos frontières et justement à faire ressortir de l'ombre des groupes qui méritent de l'être. Voilà. C'est vrai. Et après, une année après, Luc de la Rochelière avec Cash City. Donc aime bien Alex. Oui, j'aime bien. Oui, j'écoutais ça il y a quand même assez longtemps. Hein. Pas totalement. Aussi à peu près au moment où c'est sorti finalement. Mmh. J'aimais bien, c'était très enlevé et en même temps très canadien. Ah oui, c'est le but. Et en 93, il a fondé un label qui s'appelle Zéro Musique avec François Pérusse. Nous, nous avons connu les 2 minutes du peuple de François Pérusse en France. Ouais. C'est ça que le nom disait quelque chose, mais j'arrivais pas à reciter. Eh bien, voilà. Ah, maintenant, tu sais. C'est bien, t'as bien fait te réveiller, Vinvin. Ben, je suis toujours réveillé, moi. Et il a une autre chanson. Je dors jamais, alors. Et il a une autre chanson qui s'appelle Amer America, qui est sortie en 1988 et qui est devenue disque d'or. Très bien. Voilà. Ça on va découvrir la chanson tout de suite. À texte, ça. Hein. Amer America, à mon avis. Il y a grande chance. Allez, découvrons.